J'suis toujours avec mes altas, ça, pour faire la monnaie. J'sors de la merde, j'prends l'argent que Dieu m'a donné. J'sais que t'as se mettre une quête, même t'es abonné. J'suis arbitre de luxe, déguste, t'en m'as tape que des gros bonnets. Parle-moi ça, yeah, yeah, yeah, yo. Mais si tu nous veux, tu payes, yeah, yeah, yeah, yo. On prend ta face, on prend ta go, wow, wow, wow, wow. Elle a kiffé le flow, wow, wow, wow, wow. Yeah, en bikini, c'est pas des limites. Elle est pas timide, comme ça, pas en liquide. Elle veut un cœur, le plus grand, d'un coup dans le cœur. Tous les costumes, la vie ne vaut même plus dire. Où elle est, elle veut du vivre. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, elle veut l'amour. Où elle est, où elle est, où elle est, où elle est. Elle veut du vivre, veut du vivre, veut du vivre. Où elle est, où elle est, où elle est. Il faut du vivre, faut du vivre, faut du vivre. On est en train de faire un braquage. Hein? C'est ça de voir, c'est 10 ans de placard. Tu veux que je te sache? Elle veut un gringo loco qui fait tourner la coca. Paris à Napoli, de Madrid en Mallorca. C'est son lifestyle, elle aime l'or et le violet. Pas les couilles de ton huc, nous on n'est pas des affolés. On mange pas les miettes, non l'ignore, mais jamais rassasié. Dans le fond, nous payons, on casse les codes et la démarche. Tout en montant les marches, armé comme French Montana, j'ai mis Gucci et Versace. Versace, pour le mot, j'ai qu'à vous un truc qui fait. Versace, le bon mot. Thank you.